Continuamos pues con la comunicación de los colegas Claude Bella y Corinne Landure, dedicada a las dynamiques alluviales dans les ports fluviales d'Arles et connexion avec la embouchure du Rhône. Merci. Introduire cette présentation. Merci à l'École française de Rome de cet accueil et de nous fournir des conditions aussi agréables et intellectuellement aussi stimulantes dans le groupe qui est ici dans la salle pour ces échanges. Et j'espère, par la communication que je vais vous montrer que je suis effectivement un petit peu dans ces problèmes de société, de relations société, aménagement du fleuve, et impact de l'environnement, rôle de l'environnement, qui est probablement minime, finalement, face à la volonté des sociétés, parfois très riches, pour lesquelles il y a un gain économique incroyable à occuper ces espaces. Et donc, il faut éviter le déterminisme. Moi, je suis géomorphologue, et de temps en temps, je vais avoir tendance à faire du déterminisme, mais vous allez voir que les hommes souhaitent s'installer dans ces environnements qui sont parfois contraignants et les gains sont très probablement tellement énormes que malgré les contraintes, et puis parce que parfois on n'a pas le choix, on s'installe et on maintient cette activité dans ces espaces-là. Et donc le fruit du travail des géomorphologues avec vous, archéologues, est vraiment essentiel. Donc merci. Donc je vais vous présenter un travail sur qui est une ébauche autour du port d'Arles. En fait, je parle du port d'Arles, mais le port d'Arles, en tant que soi, on ne le connaît pas. On a un chenal. Et je vais essayer de relier la traversée d'Arles et ce chenal avec les embouchures pour la période de l'Antiquité, globalement jusqu'à l'Antiquité tardive. Mais on pourrait prolonger cette histoire pour la période médiévale. Et étrangement, on a peut-être moins d'informations. Donc, on a la chance à Arles de bénéficier ces derniers temps d'un certain nombre de fouilles et vous voyez sur la carte la fouille qui a eu lieu dans une cave, un bâtiment privé, et la personne a offert les lieux pour réaliser une fouille. Dans cet espace, une fouille programmée. Ici, actuellement, des collègues du musée départemental d'art antique, qui est ici, le musée, des collègues, Marie-Pierre Roth, travaillent sur cet espace-là, la verrerie. Ici, l'épave Arles Rhône 3 qui a été récemment extraite et pour lesquelles on a énormément de données. Ici, un diagnostic de collègues de l'INRAP sur la gare maritime. Et des données de carottage ici pour le musée, pour l'extension du musée. Donc je vais commencer par présenter dans la fouille Jean-Baptiste Massillon. Alors c'est très intéressant cette fouille, parce que vous voyez ici, vous avez des grands arcs qui sont très probablement des arcs qui ont servi à gagner un espace sur la berge. C'est des substructures, des sous-structures, pour construire très probablement, c'est énorme, c'est des arcs, les piliers font un mètre de côté, 2,50 mètres à 3 mètres de haut, et par-dessus il y a un plancher, et c'est très probablement pour gagner un espace sur les berges. Et entre ces arcs qui ont probablement favorisé, là vous voyez une colonne qui est effondrée à l'intérieur de la cave, qui n'a rien à voir avec la structure, mais qui s'est effondrée, c'est peut-être une partie des bâtiments qui étaient supportés par ces structures. À l'intérieur de ces arcs, donc qui sont construits sur la berge, vous avez des remplissages sédimentaires dans lesquels on peut observer des niveaux de crue. Ici, vous voyez, vous avez une très belle crue. Et puis tout ça, on a des déblais qui colmatent ces espaces. Donc cet espace-là, il est en grande partie constitué de dépôts de déblais, de la ville, de déchets, de dépotoirs. Et on peut lire, quand on fait une stratigraphie un petit peu fine, on peut lire un certain nombre de crues. Ici, vous en avez quatre. Vous en voyez une séquence alluviale complète de crues avec des dépôts grossiers. Et puis l'intensité dynamique de la crue diminue et on va vers des dépôts de plus en plus fins. Donc ça, c'est une crue, une seconde crue, peut-être une troisième, une quatrième. Ici, vous voyez, c'est un petit peu complexe. On est dans un environnement avec des arcs, avec des ouvrages qui perturbent probablement la sédimentation. Et tout ça, entre, c'est les niveaux dépotoirs. Donc ici, on a quatre crues majeures qui ont atteint les berges du rive, du Rhône, sur sa rive gauche, entre le deuxième, troisième siècle après, et premier siècle après Jésus-Christ. Quatre crues en 200 ans, franchement, c'est pas énorme. Et la vision qu'on a du Rhône dans cette partie-là, au changement d'air, c'est que c'est un Rhône très dynamique, ça déborde, etc. C'est pas du tout ce qu'on voit là. On a quatre crues en peut-être 200, voire plus. Deuxième fouille, la fouille de la Verrerie, qui est ici. Donc ici, c'est différent en période de calage chronologique. Ici, un habitat sur lequel on a un très bel enduit peint qui a été déposé, qui est très très rare pour la période donc du premier avant, ce type d'enduit peint en Gaule qui est unique. Donc, et à l'intérieur, le remplissage sédimentaire qui est là en grande partie issu de la déconstruction, de la démolition des vestiges. L'intérêt de cet espace, c'est que on a un calage chronologique très précis avec les enduits peints ici du premier avant. Et ici, au sommet, on a des sols premier après. Donc ici, on a une sédimentation entre le premier avant et le premier après très très nette. Donc une grande partie est issue de l'érosion des briques crues de la construction. Et ici, c'était la pièce que je vous ai présentée tout à l'heure. Ici, on est à l'extérieur de la pièce. On est dans un espace extérieur, un petit béton de tuileau qui est ici. Et me voici en train de faire un carottage à travers ce petit béton de tuileau. Mes collègues archéologues ne m'ont pas autorisé à faire un carottage au sein de la pièce et à abîmer les vestiges, bien entendu. Et l'intérêt de faire ce carottage ici, et les premiers résultats, c'est qu'il montre ici qu'on a environ 1,50 m de sédimentation entre le premier avant et le premier avant. Donc, tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y a peu de crues après le début de notre ère. En revanche, dans cet espace-là, qui est assez éloigné de la berge, à plus de 250 mètres, on a des crues débordantes sur la rive droite. Le Rhône s'écoule dans ce sens-là. Ça, c'est toute l'agglomération d'Arles. Vous voyez les arènes. Et à plus de 250 mètres, au premier avant, on a quand même des événements relativement importants qui permettent une sédimentation de 1,50 m au cours du premier siècle avant. Sur Arles-Rhône 3, là, contexte différent, on est dans le chenal. Et dans ce chenal, qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, c'est quand même étonnant. On est dans un chenal très dynamique, qui a tendance à s'inciser. Et vous voyez les datations radiocarbone qui ne sont pas aussi précises que vos datations fournies par les céramiques, malheureusement. Mais vous voyez que, globalement, autour du changement d'air, on a déjà, chose étonnante, préservation de la sédimentation dans le chenal du Rhône. Donc ça veut dire que ce n'est pas très dynamique. Parce que le Rhône, il incise. En temps normal. Il déblaye. Si vous balancez vos dépotoirs dans un fleuve, et le fleuve, le Rhône, quand même, c'est 2000 m3 seconde de débit, etc., de débit moyen, eh bien, ce dépotoir, il devrait être dégagé. Eh bien là, cette période-là, il n'est pas dégagé. Il y a accumulation et il y a préservation. Il y a sûrement préservation parce qu'on est sur le bord du port, il y a peut-être des ouvrages qu'on ne connaît pas, mais il y a quand même préservation dans cet espace-là. Donc, finalement, la sédimentation à Arles, autour du changement d'air, j'ai peut-être suffisamment insisté, elle est relativement bien préservée. À part le premier avant, on a un petit peu des événements qui vont toucher la Verrerie. Quand on change d'air, eh bien, c'est relativement calme, une période de calme. Ici, reconstituer l'ensemble des données sur un transect fictif qui nous permettent non seulement de voir de reconstituer le chenal antique. Ici, on a l'épave Arles-Rhône 3. Ici, on a des vestiges du 5e, 6e siècle après Jésus-Christ. Ici, c'est les niveaux du 1er siècle après Jésus-Christ. Et ce que l'on constate, c'est qu'on a une tendance, toujours autour du changement d'air, au cours du 1er siècle après Jésus-Christ, à les hommes ont tendance à amener des déblais, des dépotoirs, à canaliser, à chenaliser, à restreindre ce chenal. Donc il y a une volonté, une possibilité de gagner sur l'espace fluvial pour l'organiser. Et tout ça se passe autour du 1er siècle après. Et moi, je ne peux pas l'imaginer avec un contexte hydrodynamique très, très, très, très important. C'est très probablement une période de calme hydrologique. Alors, un calme hydrologique relatif. Ici, je vais passer assez vite parce que c'est des figures qu'on adore, nous, les sédimentologues. Ici, c'est ce qu'on appelle une image CM. Le C, c'est le percentile, c'est-à-dire 1% des sédiments les plus grossiers, et la médiane, 50% de la distribution granulométrique. Donc ça, c'est un échantillon de sable dans une carotte, si possible daté, qui est défini par sa médiane et son percentile, c'est-à-dire 1% des sédiments les plus grossiers et 50% des sédiments qui séparent la distribution granulométrique. Et qu'est-ce qu'on remarque ? Eh bien, on remarque dans cette image que tous les petits carrés rouges, là, eh bien, ils correspondent plutôt à une période où, qui est du premier, plutôt avant le début de notre ère, où on a effectivement une énergie qui est un peu plus importante. D'ailleurs, les sédiments qui sont là, c'est des sédiments qui correspondent à cette limite CR, c'est la limite de roulement des sédiments sur le fond. Ici, c'est la limite de suspension graduée, c'est-à-dire que les sédiments, ils se baladent dans la colonne d'eau, ils montent, ils descendent. Et ici, c'est la limite des suspensions uniformes. Donc, globalement, qu'est-ce qu'on peut retenir de l'ensemble de cette image des sédiments du Rhône ? C'est que au premier avant, effectivement, on a des sédiments un peu plus grossiers, mais que pour les périodes du premier après et postérieur, on a des sédiments qui sont relativement fins. Donc, en conclusion, pour Arles, une activité de débordement hydrologique importante autour du premier avant, d'accord, plus de 250 mètres de la berge. Globalement, on a sur cette période aussi une augmentation des grains de sable transportés. Et après cette période, on a plutôt une décroissance de l'activité, et ce qui permet probablement la contraction du chenal. Hein. Il y a une volonté probablement d'organiser ces berges, et le fleuve permet l'organisation et la contraction de ce chenal. Quand on compare ces données au delta du Rhône, ici vous avez une image satellite, spot image de la crue de décembre 2003, tout ça c'est les zones qui ont été inondées par la crue de décembre 2003, c'est une anecdote. Ce qui est intéressant, c'est que sur ces images satellites, on voit très bien les cordons, ici ce sont les cordons sédimentaires, on voit très bien ici le Rhône de Saint-Féréol, dit de Saint-Féréol, qui bien sûr à l'Antiquité n'était pas appelé de cette façon-là, ici le Rhône d'Ulmé, et ici l'ensemble des Rhônes occidentaux du côté d'Aigues-Mortes. Et l'image, l'interprétation de l'image aérienne et les 50 années de carottage que l'on a fait sur le delta du Rhône permettent d'obtenir cette image géomorphologique d'interprétation du delta. Je vais vous en livrer une seule pour la période qui nous intéresse autour de l'Antiquité, autour du changement d'air. Avant le changement d'air, sûrement avant 125 avant Jésus-Christ, on a deux branches. Il y a notamment un certain nombre de textes, et en particulier Polybe, qui décrit le Rhône avec deux branches, hein, vers 125 avant Jésus-Christ. Ces deux branches, c'est la branche centrale, Saint-Féréol, et la branche qui est ici, la branche d'Ulmé. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'on a énormément de carottages, des datations de 714, des sites archéologiques tout le long de ces branches-là. Les sites ici, ils sont à partir du 4e, 5e avant, ils sont déjà au bord de ces sites. Je ne vous les cite pas tous, il y en a des dizaines. Pour cette période-là, ils sont un peu moins nombreux. J'exagère un peu, c'est mon caractère marseillais. Il y en a plutôt cinq. Cinq importants. Après, à la période qui suit, il y a beaucoup plus de sites. Donc, ça, ce sont les deux chenaux. À partir du 225, qu'est-ce qui se passe ? Ici, on a une branche qui se crée, très probablement. Et ici, on a un carottage très, très important. C'est un travail de thèse que j'ai co-dirigé de Tony Ray. Avec David Lefebvre, qui montre que cette branche, eh bien, elle est en train de mourir entre 2 après et 212 après. Excusez-moi encore pour la pertinence des dates radiocarbone, mais il est en train de mourir après le changement d'air. Donc ça veut dire que au changement d'air, qu'est-ce qui se passe? On passe de 2 à une troisième branche qui est ici. Et pourquoi elle n'est pas active au premier avant? Eh bien, on le voit très bien, c'est des raisons géomorphologiques. Vous voyez ici le Rhône de Saint-Ferréol qui est au centre, il a formé un lobe très très progradant qui s'est avancé très très loin en mer. Les épaves qu'a fouillé Luc Long et ses collègues au large de Sainte-Marie de la Mer permettent de dessiner ce lobe tout au long de cet ancien littoral. On a des épaves qui sont venues s'échouer. Et c'est l'érosion de ce lobe qui va commencer à colmater cet espace-là. Et vous voyez ici, ça c'est ce qu'on appelle une flèche à pointe libre. On voit bien que c'est le sable qui est parti d'ici qui va colmater cet espace. Donc cet espace est en eau. Et c'est après 125 après Jésus-Christ que les appareils deltaïques peuvent s'appuyer sur cette flèche. Ils sont donc postérieurs. Ils viennent s'appuyer sur cette flèche après l'érosion de cette partie-là. Donc avant que ça érode, avant la disparition du Rhône de Saint-Ferréol, ici il n'y a rien. Et il faut qu'il y ait érosion, qu'il y ait colmatage pour que les appareils deltaïques se développent dans ce secteur-là. Que probablement, il y aura des questions, et je vais passer cette image pour ne pas prendre trop de temps, mais il y aura des questions sur, parce qu'à cette période-là, il y a un canal important qui est le canal de Marius, creusé en 102 avant Jésus-Christ, et il faut, par rapport à cette morphologie en 102 avant, avec deux bras qui est ici, poser des hypothèses de creusement du canal qui sont adéquates avec cette morphologie. Donc je passe ces documents-là. Donc voici là, au premier après, ce que l'on peut reconstituer de la plaine deltaïque autour de l'Antiquité romaine. On a ce magnifique lobe de Saint-Ferréol qui s'avance très très loin en mer, les épaves qui sont échouées sur le littoral et qui donne c'est le fantôme du littoral. Ce littoral va disparaître. Il va colmater cet espace-là. On a le Rhône de Daladel qui se met en place. Et bien entendu, on a aussi le Rhône d'Ulmé qui est très actif. Et là, je vais vous présenter des données récentes de carottage et de données C14 qui confirment l'existence et l'activité de ce chenal. Donc ici, voilà. Ça, c'est le chenal qui va perdurer durant toute l'Antiquité, quasiment jusqu'au Moyen-Âge. Mais à partir de cette zone-là, il commence à diramer, à divaguer, à avoir plusieurs embouchures. C'est une question très importante d'ailleurs entre archéologues, géomorphologues. Très souvent, nous, on parle d'embouchures plutôt de bras. Vous parlez très souvent plutôt d'embouchures. Je comprends, c'est un point de passage difficile pour le commerce. Donc ici, moi, j'ai un bras. Et vous voyez, il a plusieurs embouchures qui vont évoluer dans le temps. Et on a un carottage qui est représenté ici, sur lequel on a une datation, la datation radiocarbone, qui donne autour de 50 à 65, autour du changement d'air, on va dire, qui donne un bras qui est en train ici de se colmater. Et très probablement, c'est les bras qui sont ici qui deviennent prépondérants, parce qu'ici, on va avoir un site important. Regardez pas les dates radiocarbone, elles ne correspondent pas au site. C'est le site de l'Antiquité tardive, du 5e, 6e après Jésus-Christ. Donc on a un déplacement du chenal de l'Antiquité changement d'air vers l'Antiquité tardive et jusqu'au Moyen-Âge qui va perdurer dans cette partie-là. D'ailleurs, je ne vais pas trop développer, mais ici, on a un chenal qui permet l'avancée de la plaine deltaïque à la période antique. Et ici, ce sont des cordons littoraux Moyen-Âge, entre 1046 et 1279, et ici 1465. Donc vous voyez que le littoral s'est avancé à l'Antiquité. Il a reculé, je ne sais pas quand, entre l'Antiquité et cette date-là, globalement le Moyen-Âge central, et à nouveau le littoral va avancer. Donc dans ces environnements, il y a énormément de mobilité. C'est extrêmement complexe et il faut travailler à des échelles très petites. Donc le site de l'Antiquité tardive, je vous présente les résultats prépondérants. Il y a un embarcadère, donc on est bien au bord d'un fleuve. Ici, il y a une zone qu'on ne comprend pas. C'est une zone, c'est pas de l'habitat. C'est peut-être une zone, c'est pas une zone commerciale. Il n'y a pas de transfert de charges. C'est peut-être une zone administrative, une zone douanière, une zone de contrôle des bateaux. Et d'autant que les bateaux, ils ne peuvent pas aborder cet embarcadère parce que au pied de l'embarcadère, on a 80 cm d'eau. Donc, vous voyez ici, c'est la ligne d'eau, hein, qui est très bien marquée sur, sur l'ouvrage. Et on a à peine 80 cm d'eau au pied de l'embarcadère. On peut très bien imaginer des bateaux à fond plat ou des bateaux à visée administrative et qui sont là essentiellement pour surveiller. Il n'y a pas d'accostage ici, il n'y a pas de rupture de charge. Quand on regarde la stratigraphie sédimentaire qui s'appuie sur l'embarcadère, elle est très parlante. C'est là où il faut vraiment des sondages et si possible des stratigraphies et pas de carottage quand on peut, on le peut. C'est très compliqué, je le sais, il y a des problèmes de niveau d'eau. On peut, le niveau de l'eau, le niveau de la nappe en temps normal, il est au-dessus. Là, hein. Là on est à 0 NGF. Donc, on a bénéficié en 2012 d'une année très sèche qui a permis de faire ce relevé stratigraphique. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'ici, vous avez l'embarcadère. On voit, vous voyez ces prismes-là, ce sont des biseaux. Ces biseaux, ils montrent quoi? Ils montrent que l'espace se colmate. Ici, il y a un premier dépôt. L'embarcadère devient quasiment plus fonctionnel. Ici, il y a un deuxième biseau qui montre qu'il y a un déplacement latéral du chenal. Cet espace est plus navigable. Et probablement, il produit l'abandon du site. Donc, déplacement latéral avec probablement une relative stabilité du niveau marin. Le niveau marin, il est là. Il est marqué par cette surface. Cette surface qui va devenir une surface d'inondation. Et vous voyez, après, au lieu d'être de former des biseaux, on a ce qu'on appelle une aggradation verticale, des dépôts qui s'empilent. Et pourquoi les dépôts s'empilent, s'exhaustent? Eh bien, parce qu'on a le niveau marin qui est en train de monter. Donc, on a un mouvement sédimentaire au départ qui déplace la zone où on peut naviguer vers le large. L'embarcadère ne devient plus fonctionnel. Et après, on a monté du niveau marin. Mais vous voyez, ça représente plus que 50 et 65 cm. Et très probablement, c'est une des causes de l'abandon de ce site, hein, le déplacement sédimentaire. Quand on place cet embarcadère, l'embarcadère d'Ulmé, sur la courbe de la variation relative du niveau marin qui a été établie à Foss en 99, hein, qui a été republié en 2000-2005, l'embarcadère, vous voyez ici, il est assez proche de cette courbe de la variation du niveau marin relatif, mais il est légèrement décalé. Pourquoi est-il décalé? Pour l'instant, moi j'ai une hypothèse. Vous voyez, on a une seule date là, autour du Moyen-Âge, qui probablement tire la courbe du niveau marin vers ce point-là. Et il faudrait beaucoup plus d'informations pour dessiner la véritable courbe de la variation du niveau marin. Et grâce aux vestiges archéologiques, grâce au travail interdisciplinaire, on est en train de dessiner cette courbe de la variation du niveau marin. Donc ici, vous avez un drain à fosse, un drain d'amphore fouillé par Frédéric Marty, qui est exactement sur la courbe de la variation du niveau marin relatif. Et ici, pour l'Antiquité tardive, vous voyez probablement que le niveau marin devrait avoir plutôt cette forme. Donc, en conclusion, je voudrais rappeler les principaux résultats. On a un Rhône qui est plutôt calme après le changement d'air. Avant, c'est un peu plus, légèrement plus dynamique. On a un Rhône qui passe de 2 branches à 3 branches actives. Le nombre d'embouchures, c'est une question que je vous pose. On connaît le nombre de branches, mais les embouchures, elles peuvent être multiples. Les gros, hein, les ouvertures vers la mer, elles peuvent être multiples. Et quelle est la navigabilité de cet espace? Alors, malheureusement, on n'en sait pas grand-chose. Le seul moyen, c'est effectuer des comparaisons. Et je vais essayer, même si c'est faux, de faire une analogie avec le Rhône actuel. Pourquoi c'est faux? Parce que le Rhône actuel, ici c'est le Grand Rhône, c'est un Rhône extrêmement aménagé. Et vous avez ici la barre d'embouchure actuelle. Et vous voyez ici, c'est un banc de sable qui émerge. La profondeur dans cet espace, elle est comprise entre 2 mètres à l'intérieur de la barre et ici 2 mètres sur l'extérieur. Ici, il y a des profondeurs de 70 à 80 cm. En été, certaines années, il y a un banc de sable qui émerge. Donc c'est extrêmement dangereux. Très rapidement, quand on rentre dans le chenal, ici il y a 18 mètres de fond. Ça fait environ 2 km, vous avez 18 mètres de fond. Donc le seul point de passage très très dangereux, c'est celui-là, cette barre d'embouchure. Donc une fois qu'on l'a franchi, et on ne peut pas imaginer qu'on la franchisse sans moyens locaux, sans des personnes, éventuellement comme à allumer peut-être des pilotes, des gens qui sont là, qui attendent les bateaux, et qui connaissent la barre d'embouchure, et qui vont guider les gens à travers cette barre d'embouchure. Moi qui navigue assez peu dans cet espace-là, la première chose que je vais faire, c'est quand je vais y travailler, je pose la question aux pêcheurs professionnels qui travaillent là, et je leur dis, où est-ce que ça passe actuellement? Parce que ces bancs bougent énormément. Et ils me disent, ah ben tiens, ça passe plutôt à gauche de la bouée, à 200 mètres, etc. Donc, il y a très probablement des corporations de pilotes, des gens qui connaissent cet espace et qui guident à travers cette barre d'embouchure les navires. Regardez l'évolution de ce profil depuis 1895 à 2006. C'est pas toujours la barre, elle n'est pas toujours dangereuse. Il y a des moments où elle est très très franchissable. Ça c'est là, en 1895, on réouvre cette embouchure pour des raisons complexes d'aménagement, on réouvre cette embouchure et vous voyez que la barre qui se crée, ben, au départ, elle migre lentement et le niveau est relativement faible. Et puis, à partir de 1995, eh bien, elle s'élève. Hein, là, on a des hauteurs autour de 75 cm. Quand il y a une crue, regardez ici, c'est la crue de 2003. Donc, ici, avant la crue, vous avez la barre d'embouchure qui est à 80 cm. Après la crue, la barre d'embouchure a été quasiment nivelée, éjectée le matériel. Et donc, au moment de la crue, c'est le moment où on franchit, et juste après la crue, où on franchit le plus facilement, finalement, la barre d'embouchure. Donc, attention aux idées reçues. Peut-être que parfois, c'est plus facile, après une crue, de franchir un espace comme celui-ci. Voilà, je vous remercie. J'ai oublié de vous annoncer un fait important. On va présenter une partie de ces résultats dans une future exposition en décembre 2015 au musée départemental d'Atlantique. Voilà, et donc ça c'est une pré-affiche de l'exposition. Merci. La prochaine table ronde se tiendra aux mêmes dates au musée d'Atlantique pour pouvoir profiter de cette exposition. Merci. Non, non, abbiamo il tempo, lo so. Je voudrais remercier Claude Vella pour la clarté et l'exhaustivité de sa présentation. Et je voudrais le remercier aussi pour son excellente introduction et son approche des choses. Car j'ai eu la même impression que ce que vous avez exprimé, c'est-à-dire que moi j'ai été très attentif, il y a quelques années déjà, aux travaux des paléogéomorphologues, évidemment, aux sédimentologues, mais j'ai acquis la conviction que dans les changements de configuration du delta, et dans la configuration, dans le partage entre la Terre et l'eau, certes, l'hydrodynamique avait sa part, bien sûr, mais l'action humaine avait été déterminante. Et je vous remercie de l'avoir exprimé, quoi. Je ne me trompe pas, vous avez la même approche. Tout à fait. Et vraiment, il faut lutter contre ce déterminisme. Oui, vous n'êtes pas déterministe, vous n'êtes pas un sédimentologue déterministe, et je vous en remercie chaleureusement, parce que ça n'est pas le cas de tous vos collègues. Tout à fait. Enfin, il y a aussi des médiévistes qui sont... Bon. Après ça, je voudrais deux questions, simplement des questions de détail, quasiment. Le Rhône de Canavère, le Rhône des Touradons, vous le voyez se former au 1er siècle, non? Oui. Mais oui, en fait, les travaux de... Et entrer en agonie au 3e. Les travaux de Tony Ray ont malheureusement pas pu cerner ce chenal. On n'était que sur les bords du chenal. Il est très difficile d'y faire des carottages, etc. Et je ne peux pas être affirmatif sur sa mise en place. Moi, pendant très longtemps, et je pense encore cela, c'est peut-être une défluviation temporaire, ce qu'on appelle une crevasse. Une crevasse, qui se crée. qui alimente un espace intralagunaire derrière oui. ce très grand cordon. Oui. Le cordon qui est ici, pardon. Le cordon qui est ici. Voilà, on a ce Rhône qui se balade quelque part par là. Mais quand même, ce rôle de cadavre, vous le voyez mourir quand ? À peu près. Il faudrait reprendre les travaux de Tony Ray, mais je pense que c'est plutôt les dates que vous annoncez, plutôt deuxième, troisième après. Oui, d'accord. Et le Rhône de Daladel ? Alors, le Rhône de Daladel qui est ici. Oui, il est plus au sud. Voilà, qui est plus au sud. Lui, il est quand même très particulier, c'est qu'il va percer cet énorme cordon qui est le cordon des Saint-Féréol, donc il a beaucoup de force. Oui. Et ce n'est pas un hasard si très probablement il se met en place avant le changement d'air. C'est, hydrologiquement, il se passe quelque chose. Il se passe tellement quelque chose. Vous voyez ici cette morphologie ici. Là aussi, c'est une défluviation du bras des Saint-Féréol. Temporairement, on a un chenal qui se crée ici, qui est probablement aussi intralagunaire. Donc, à cette période-là, il y a un petit peu d'hydrologie, c'est un petit peu actif, qui permet la mise en place de ce chenal. Mais le Rhône de Daladel, vous le verriez entrer en agonie à peu près en même temps que le Rhône des Canavères ou un peu après. À peu près, en même temps. Je vous en remercie, d'accord. Ça ne casse pas mes hypothèses. Merci. Bonjour, merci pour votre belle présentation. Je voulais avoir quelques éclaircissements et vos hypothèses par rapport aux questions d'ajustement sur deux points. La question de l'ajustement avec la rétractation à Arles du fleuve et en même temps la gradation du fond du lit. Comment vous expliquez ça? Et quel lien aussi vous pouvez faire entre le lien, la continuité amont-aval entre Arles et la mer avec peut-être au niveau de l'embouchure, une progradation et peut-être une modification du gradient entre Arles et la mer, et si ça a pu avoir une influence sur le lit du fleuve. Alors, d'abord la première question. Sur le chenal, contraction du chenal, probablement volontaire. Bon, sur la rive droite, rive gauche, pardon, elle est relativement stable. Ici, la rive droite, il est évident. Il y a les sites, il y a les dépôts, il y a les remblais qui recouvrent des zones de chenaux. Avec dans les carottages, on a retrouvé énormément de sable. On a vraiment une tendance, d'ailleurs, vous avez des petites cartes qui montrent que d'abord le chenal est beaucoup plus large, hein, probablement avant le changement d'air, et qu'on a cette tendance ici à la contraction. Alors je suis pas tout à fait d'accord avec la carte ici, le littoral, la berge sur cette rive est très probablement quelque part par là, très proche de la berge actuelle. Donc, on a de façon évidente une contraction. Quant à la profondeur du chenal, quel va être l'impact? Il y a très probablement, du point de vue hydraulique, il y a un petit peu une hausse de la compétence. Et ce que j'ai montré dans la hausse de la granulométrie, elle est peut-être non pas naturelle, hydrologique, mais liée à la contraction. Et il ne faut pas oublier qu'à cette période-là, sur l'ensemble du bassin versant, jusque sur les lacs étudiés par notre collègue Mani, c'est une période de calme hydrologique. Donc c'est une période où on n'a pas beaucoup d'activité. Et il n'y a pas d'implication sur l'incision du chenal. On en a pour preuve comment on peut tracer cette courbe. On a l'épave ici, Arles Rhône 3. Et là, c'est la figure d'Olivier Sivant, ça, publié dans le rapport de la guerre maritime. Ici, Luclon a mis en évidence des tuyaux en plomb antiques qui traversent le Rhône et qui sont de part et d'autre du chenal et qui ont été très probablement, quand je discute avec les archéologues, ils me disent ils n'ont pas été creusés, enfouis sous le sédiment, ils ont été posés sur le fond. Et donc ça nous donne la forme du chenal. Vous me direz, après on aura des discussions, vous me direz si j'ai bien répondu à votre question. Pour la progradation delta X, c'était ça? de la pente, du gradient. J'ai pas beaucoup d'éléments. Le seul élément que j'ai et sur lequel il faudrait travailler, et on n'a pas travaillé, il y a eu plein de discussions, notamment avec les sédimentologues. Jacques Rossio a écrit dans sa thèse des discussions très très importantes sur le point de défluviation, Mont-Denis ou Mont-Lan, etc. Le contrôle du niveau marin, la plaine deltaïque, la largeur de la plaine deltaïque, l'avancée des bras, a probablement un rôle important sur le point de diramation, de défluviation. Et il faudrait travailler sur ces points de défluviation pour connaître quel est l'impact de la montée du niveau marin ou de la longueur du chenal sur les points de défluviation. Et globalement, je vais faire assez vite, globalement, on a une tendance à la remontée de ce point de défluviation. Ici, c'est probablement à Villeneuve, la discussion, est-ce qu'à Mont-Long, il y a un point de diffluviation, et puis après, il y a le point de diffluviation de la cape, et je vous fais remarquer qu'après, il y a le point de diffluviation chronologiquement du Petit Rhône, très probablement. Donc, on a une tendance à la remontée du point de diffluviation. Ça, c'est un truc sur lequel il faudrait travailler. Je voulais juste faire un petit commentaire sur la barre. Vous avez montré aussi une belle image. Voilà. Le problème du passage de la barre pour les marins est encore valable aujourd'hui. On le retrouve exactement de la même façon que dans l'Antiquité. Et dans le cas particulier du Rhône, on n'a pas moins de deux écluses qui permettent de contourner justement la barre. Les navires entrent à l'abri du Tay de la Gracieuse pour entrer donc dans ces écluses et ensuite rejoindre le Rhône. Le parallèle avec le canal de Marius est vraiment tentant. Oui, tout à fait, je ne peux qu'abonder. Et c'est magnifique comme la permanence aussi de cet espace maritime à la période antique, le golfe de Fos, Arles, le delta de Camargue. Il faut le voir comme un espace économique à l'équivalent du port de Marseille actuellement. Économiquement, sociologiquement, c'est ça. Hein, c'est ce point de rupture entre l'interland romain, hein, qui est le nord de l'Europe, hein, et le monde méditerranéen. Il faut le voir comme ça. Et ça perdure encore. C'est ça qui est. C'est parallèle. Il s'arrête peut-être là, mais voilà. C'est une des entrées de l'économie européenne. Je vous rappelle que 90%. Des choses que nous portons ont été transportées par bateau, hein, les ordinateurs, etc. Tout le trafic commercial, notre pétrole, 90% de ce qui s'est transporté par bateau actuellement. Hein. Una última pregunta para pasar. Oui. Une question courte et une réponse courte, me demande-t-on. Voilà, je voudrais savoir si on peut mesurer l'influence respective dans le comblement de la rive droite, au niveau de Trinquetaille, entre les apports sédimentaires du fleuve et les rejets d'entrepôts, les rejets liés à la navigation et aux conditions humaines, les rejets anthropiques, disons, enfin, à la fois anthropiques et des entrepôts. Très difficilement, à mon avis. On pourra essayer de répondre à cette question seulement si on développe des projets avec des carottages complets sur l'ensemble de ces berges et pour pouvoir les dessiner et pour pouvoir les préserver. Mais actuellement, on ne peut pas le faire. Très bien, merci. Place pour une toute dernière question. On a encore une communication à entendre sur le Tibre. Est-ce que quelqu'un... Personne ne veut s'y risquer ? Personne ne veut faire court ? C'est vrai que sur le Rhône-Dulmé, bon, tu as accumulé pas mal de données ces dernières années. Est-ce que tu pourrais revenir sur tes courbes du littoral, tes cordons littoraux, et revenir, excusez-moi, je n'ai pas tout à fait compris le phénomène qui permet au littoral de reculer. Il avance à l'Antiquité, il recule ensuite. Je ne vais pas montrer je vais pas retourner à la carte, je vais simplement vous montrer la courbe. Si on sait très bien que la variation au niveau marin, elle n'est pas régulière. Ok ? Je vais faire du déterminisme. Peut-être je me trompe. Il y a très probablement ce qui contrôle ce que je dis tout le temps, et tout le temps journaliste, ce qui contrôle la mobilité du littoral en Camargue, c'est la présence des embouchures. Donc première question, première partie de la réponse, il peut y avoir un déplacement des embouchures, hein, ce qui, comme il y a moins de sédiments entre l'antiquité tardive et il y a un léger déplacement de l'embouchure, et donc il y a moins de sédiments, le littoral recule. Mais il y a quelque chose qui interpelle, et là je vais faire du déterminisme, dans la variation de niveau marin. Je ne sais pas si ça a un gros impact sur l'érosion, mais si la position de l'embarcadère est juste, et si on a un niveau relativement stable entre, on va dire, le premier avant et le cinquième après, eh bien, cette hausse du niveau marin relatif, elle est très probablement un peu brutale. Et une part du recul pourrait s'expliquer par ce petit sursaut. Et j'ai d'autres exemples dans le secteur de littoraux qui reculent à la période médiévale, notamment à Fos. J'ai montré ça dans ma thèse. On en discutait avec Marie-Pierre Gizégou hier. Il y a plusieurs secteurs du côté des Laurons, etc. Il y a du recul autour de la première partie du Moyen-Âge, peut-être un petit peu avant. Merci.